lorsque sa bouche à mon oreille vient murmurer mille mots tendres, mille merveilles, mille secrets. C'est à l'amour auquel je pense et que j'espère et que j'attends. Lorsque ses lèvres sur les miennes viennent se poser et qu'il me tient entre ses bras très fort serrés. C'est à l'amour auquel je pense et que j'espère et que j'attends. L'amour que j'appelle en silence à cet instant. Un jour il vous jure, je t'aime, mais déjà le lendemain il n'est plus le même. Je ne suis plus rien lorsque ses yeux au fond des miens viennent plonger et que mes cheveux par sa main sont caressés. C'est à l'amour auquel je pense et que j'espère et que j'attends. L'amour que j'appelle en silence à cet instant. Un jour il vous jure je t'aime, mais déjà le lendemain il n'est plus le même. Je ne Il m'a quitté, laissé seul avec mon chagrin. C'est à l'amour auquel je songe. Je me demande à ce moment s'il n'existe que dans les songes ou bien vraiment.